Buvons, buvons, buvons le sirop typhon, typhon, typhon universel, panacé, hé hé, à la cuillère ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Monsieur Carouge avait le nez rouge et cela le désolait, hé hé, une cuillère lui fut salutaire. Il a maintenant le nez violet. Madame le prince se trouvait trop mince, elle ressemblait à un bâton. Oh oh. Elle fit une cure sans demi-mesure, elle est plus ronde qu'un ballon. Le sirop typhon, typhon, typhon universel, panacé, hé hé, à la cuillère ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Monsieur le maire avait des misères, dans ses discours il bégayait, hé hé, un petit verre lui fut salutaire, il ne bégayait plus car il est muet. Monsieur Léon, pom, pom, pom, pom, si gentil et si rond, patapon, patapon, ne gagnait jamais au tiercé, hé hé, une cure sévère lui fut salutaire, il est gagnant, mais comme joker. Buvons, buvons, buvons le sirop typhon, typhon, typhon universel, panacé, hé hé, à la cuillère ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Le vieux Pierre était célibataire et voulait le rester longtemps. Oh, oh. Il but d'un verre, puis un autre verre. Il a 10 femmes et 30 enfants. Dans le village, tous les enfants sages, écoutant les cloches sonner, rêve qu'un mage venu des nuages du bon sirop va leur donner. Typhon, typhon, typhon, universel, panacé, hé hé, à la cuillère,